Chapitre 11e. Religion. J'avais souvent entendu dire, avant mon voyage en Amérique, qu'un des plus grands bienfaits de sa constitution était l'absence d'une religion nationale. Par là, me disait-on, le pays se trouve déchargé de l'entretien du clergé, et ceux-là seuls payent les prêtres qui s'en servent. Mon séjour en Amérique m'a prouvé que la tyrannie religieuse peut très bien s'exercer sans l'assistance du gouvernement, et d'une manière beaucoup plus oppressive que par le paiement de la dîme, et que la seule différence entre les deux régimes, c'est que le plus libéral substitue une licence effrénée à ce décorum salutaire qui est le résultat d'une forme religieuse consacrée. Il est impossible de demeurer quelque temps dans le pays sans être frappé des étranges anomalies produites par le système religieux qui y domine. Mes premières notes contiennent beaucoup d'observations sur ce sujet. Mais comme les mêmes scènes ont lieu à peu de choses près dans chaque partie de l'Amérique, je les consigne ici non seulement comme appartenant à l'Ouest seul, mais encore à tous les États-Unis, la même cause produisant partout les mêmes effets. La population des États-Unis est, pour ainsi dire, partagée en une multitude infinie de factions religieuses, et l'on m'assura que, pour être bien accueilli dans la société, il était indispensable de se déclarer le partisan de l'une d'elles. Quelle que puisse être votre croyance, vous n'êtes point chrétien si vous n'appartenez pas à l'une de ces congrégations. Outre les grandes catégories des épiscopaux, des catholiques, des presbytériens, des calvinistes, des baptistes, des quakers, des swedenborgiens, des universalistes, des dunkeristes, etc., etc., que tout le monde connaît, on trouve en Amérique une innombrable quantité de sectes particulières qui sont comme les ramifications des premières et qui toutes ont leur gouvernement spécial. Chacune de ces congrégations a invariablement à sa tête le plus intrigant et le plus ambitieux de ses membres, et pour expliquer et justifier par devant le public son existence indépendante, chacune introduit dans le culte quelques pratiques bizarres qui la distinguent, ce qui a pour inévitable effet d'exposer à un mépris commun les cérémonies et les pratiques de toutes. Il est difficile d'être témoin de toutes ces inconséquences sans reconnaître tous les avantages d'une église établie comme une sorte de quartier général par les chrétiens paisibles qui se contentent de servir fidèlement le Seigneur sans exiger une bannière séparée revêtue de devises créées par leur propre imagination. Les catholiques romains seuls paraissent exempts de cette fureur de division et de subdivision qui remplit toutes les autres sectes. L'autorité du pape les sauve sans doute de cette prodigieuse licence accordée à la fantaisie des individus par toutes les autres croyances. J'eus le plaisir d'être présenté à l'évêque catholique de Cincinnati, et je n'ai jamais rencontré dans aucun pays un ecclésiastique d'un caractère et d'une conduite plus apostolique. Il est américain, mais rien ne l'annonce dans sa prononciation ni dans ses habitudes. Élevé en Angleterre et en France, ses manières sont de la plus parfaite noblesse, et sa piété active et sincère n'a rien de l'intolérance de ces turbulents sectaires qui composent en grande majorité le clergé des États-Unis. Je me crois moi-même aussi tolérante que personne, mais cette tolérance ne va pas jusqu'à l'aveuglement. Et il faudrait être aveugle pour ne pas s'apercevoir que le but des pratiques religieuses est infiniment mieux atteint quand le gouvernement de l'Église est confié à la sagesse et à l'expérience des hommes les plus vénérables, que lorsqu'il est placé entre les mains du premier cordonnier et du premier tailleur qui juge à propos de s'en emparer. Et ce n'est pas là pour un pays le seul inconvénient de la liberté religieuse. Comme il n'y a aucun salaire légalement affecté à l'entretien des prêtres, il en résulte que ceux-là seuls jouissent des avantages de la religion qui peuvent les payer. Le zèle, aussi hypocrite qu'extravagant, déployé dans Revivals, n'est pas plus une compensation à l'absence de tout culte dans les villages, que ne le sont, à l'ordre social continuellement foulé aux pieds, les éternelles louanges prodiguées par les Américains à leur admirable et incomparable gouvernement. L'Église et l'État n'en vont pas moins clochant côte à côte, malgré leur indépendance si vantée. Vous ne rencontrez pas un Américain qui ne vous dise qu'il est excessivement occupé des intérêts les plus importants de l'État, et pas une Américaine qui ne vous assure qu'indépendamment des soins de son ménage, elle a chaque jour sous les bras les affaires de toutes les églises. Mais en dépit de cette perpétuelle préoccupation des hommes, les lois sont à moitié endormies, et malgré le beau zèle des vieilles femmes et le bavardage de leur société religieuse, l'athéisme veille et avance. Dans les villes et les bourgs, les prayer meetings tiennent lieu de presque tout autre amusement. Mais la population de la plupart des villages étant trop faible pour donner des meetings, ou trop pauvre pour payer des prêtres, on est obligé d'y naître, de s'y marier et d'y mourir sans eux. Un étranger qui vient s'établir dans une ville des États-Unis peut croire que les Américains sont le peuple le plus religieux du monde, mais que le hasard les conduise dans les villages des États de l'Ouest, il changera d'opinion. Là, sauf les horribles saturnales des camp meetings, il ne rencontrera aucune trace de culte, ni église, ni chapelle, ni prêtre qui prie, ni prêtre qui prêche. Je me souviendrai toujours de la réponse que me fit une pauvre femme que je trouvais travaillant le dimanche. « Ne faites-vous donc aucune différence, lui demandai-je, entre le dimanche et les autres jours de la semaine ?»« Je voudrais bien être chrétienne, madame, me répondit-elle, mais nous n'en avons pas l'occasion. » Ce mot me fit penser que, dans un pays où tous les hommes sont égaux, peut-être le gouvernement ne commettrait-il pas un grand crime s'il osait intervenir dans la religion jusqu'à fournir à ceux qu'il désire l'occasion de devenir chrétien. Mais si le gouvernement actuel s'aventurait jusqu'à proposer de bâtir et de doter une église dans un de ces villages qui n'ont jamais entendu le son de la cloche natale, il est parfaitement certain que non seulement l'État souverain au sujet duquel une telle abomination aurait été proposée s'insurgerait au Congrès contre cette odieuse intervention, mais encore que tous les autres États joindraient leur clameur à la sienne et qu'un acte d'accusation serait aussitôt proposé contre l'administration usurpatrice coupable d'une pareille tentative. Lorsqu'une congrégation est gouvernée de manière à mériter le respect, je suis persuadé qu'elle l'obtient toujours, même de ceux qui sont le plus opposés à sa croyance. Et lorsqu'un tel respect existe, il produit un décorum dans le langage et dans les manières qu'on ne retrouve plus lorsque ce respect n'existe pas. Il est possible, sans doute, que quelques-unes des différentes sectes, variantes plus ou moins ridicules de l'ancienne Église chrétienne, séduisent une imagination malade, en Europe comme en Amérique. Mais avant qu'elles puissent trouver l'harmonie qui règne, elles ont à combattre d'abord non seulement le sens commun, mais ce qui est encore plus difficile à vaincre, les usages établis. Il faut que de semblables innovateurs se rangent parmi la classe la plus basse et la plus ignorante, car ceux-là seulement préfèrent l'éloquence de la cure à celle de la chair. L'aristocratie doit toujours, comme corps, appartenir à l'Église établie, et il n'y aura jamais qu'une faible partie des classes secondaires qui voudra convenir qu'elle n'appartient pas à l'aristocratie. Ce serait ignorance ou hypocrisie de ne pas avouer que de tels sentiments n'ont pas une grande influence sur la conduite des hommes, et qu'une nation est sage lorsqu'elle sait faire tourner au profit du peuple jusqu'à son orgueil. Pour donner un échantillon de la licence avec laquelle on mêle la religion à toute espèce de conversation, je vais transcrire une note de mon journal sur un entretien auquel je fus présente à Cincinnati et que j'écrivis aussitôt après l'avoir entendu. Le docteur A. À propos, madame, vous serez bien aimable de m'expliquer nettement ce que c'est qu'un revival. Je n'entends parler d'autre chose par la ville, et je me doute bien que cela touche Jésus-Christ et la religion, mais je n'en sais pas davantage, et je vous serai fort obligé de compléter mon instruction. Mrs. M. Vous voulez sans doute vous moquer de moi, docteur, mais n'importe, je suis ferme dans mes principes, et ne crains le rire de personne. Le docteur A. De grâce, madame, éclairez-moi. Mrs. M. Il est vraiment difficile, docteur, de faire voir les aveugles et de faire entendre les sourds. Mais enfin, j'essaierai. Un revival est comme une élégante illumination de l'esprit. Les mains des saints la portent au peuple du Seigneur. C'est le salut au plus haut degré. Le docteur A. Mais que veut-on dire quand on parle de sentir le revival, d'attendre en esprit le revival, d'éprouver l'extase du revival? Mrs. M. Oh, docteur, je crains bien que vous ne soyez trop égaré pour comprendre tout cela. C'est une glorieuse assurance, un murmure de l'éternel covenant. C'est le bêlement de l'agneau, c'est la caresse du berger, c'est l'essence de l'amour, c'est la plénitude de la gloire. C'est être en Jésus et Jésus en nous, c'est recevoir le Saint-Esprit dans notre sein, c'est s'asseoir aux pieds de Dieu, c'est être appelé à la première place, c'est manger, boire et dormir dans le Seigneur, c'est devenir un lion dans la foi, c'est être humble et doux et baiser la main qui frappe, c'est être grand et puissant et inaccessible aux reproches, c'est... Le docteur A. Mille remerciements, madame. Je suis parfaitement satisfait et je crois maintenant comprendre le revival presque aussi bien que vous. Mrs. A, femme du docteur. Bonté du ciel, où pouvez-vous avoir appris toutes ces choses-là, madame? Mrs. M. Comme vous vivez dans les ténèbres, madame, je les ai apprises dans le Saint-Livre, dans la parole du Seigneur. Je les tiens du Saint-Esprit et de Jésus-Christ en personne. Mrs. A. Il me semble si drôle d'entendre parler de la parole du Seigneur. À moi, à qui on a donné l'habitude de ne point faire plus de cas de la Bible que d'une vieille gazette. Mrs. O. Sûrement, madame ne parle ainsi que pour voir ce que Mrs. M. lui répondra. Il est impossible que le fait soit réel. Mrs. A. Il l'est, madame, vous pouvez y compter. Le docteur A. à Mrs. O. Je puis vous assurer, madame, que je n'ai aucune envie que ma femme lise ce qu'on trouve dans la Bible. Se tournant vers Mrs. M. Quelle est là-dessus l'opinion du colonel, madame? Mrs. M. Quant à cela, docteur, je ne me suis jamais inquiété de le savoir. Je lui dis chaque jour que je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et que son devoir est d'y croire aussi. Cela fait, ma conscience est en repos et il peut croire ce qui lui convient. Je n'ai jamais compris qu'un mari se mêle à des croyances de sa femme. Le docteur A. En quoi vous avez parfaitement raison. Ma femme peut vous dire que je lui donne congé de croire tout ce qu'elle veut. Mais c'est une bonne femme, elle n'abuse pas de la permission, car elle ne croit rien du tout. Ce n'est ni une fois, ni deux, ni trois, mais dans 100 occasions, durant ma résidence en Amérique, que j'ai vu discuter avec cette étrange légèreté des matières, que mes habitudes aussi bien que ma raison m'avaient appris à réserver pour le silence du cabinet, et à ne pas mêler de la sorte aux folles causeries d'un salon. Rien ne saurait peindre la surprise que j'éprouvais, lorsque j'entendis ainsi pour la première fois une profession d'athéisme débitée d'un ton badin entre deux tasses de thé, et une homélie sur la sanctification entre la tartine de beurre et le petit gâteau. Nonobstant cette révoltante licence, la persécution existe en Amérique à un degré inconnu parmi nous depuis les temps de Cromwell. Je tiens l'anecdote suivante d'un gentilhomme qui n'avait connu toutes les circonstances. Un tailleur de New York s'était permis, un dimanche matin, de vendre un assortiment d'habits à un marin qui allait mettre à la voile. La corporation des tailleurs dirigea contre lui une poursuite. Il fut convaincu et on le condamna à une amende qui le ruina complètement. Monsieur F., avocat de la ville, avait présenté avec une grande chaleur la défense du coupable. Et quoiqu'il eût échoué, il n'en fallut pas davantage pour soulever contre lui l'animosité des presbytériens qui détruisirent complètement sa clientèle. Ce ne fut pas tout. Son neveu se préparait à cette époque pour le barreau. Peu de temps après l'événement, il présenta ses certificats de capacité et demanda à être admis. Mais il fut refusé et on lui déclara qu'aucun homme du nom de F. ne pouvait être admissible. Je rencontrai plus tard ce jeune homme dans le monde. Il était plein d'esprit et de talent. Obligé de renoncer à la profession, il s'était fait journaliste.